Dans cette série d'émissions, nous parlerons de quelques femmes de l'Évangile qui ont rencontré le Seigneur. Il va de soi que nos causeries s'adressent à tout le monde et pas seulement aux dames. Aujourd'hui, nous voulons considérer quelques épisodes dans la vie de la femme la plus connue de l'Évangile. Qui est-elle? Vous l'avez deviné, c'est Marie, la mère de Jésus. Et comme titre de notre causerie, nous avons choisi « Une femme bienheureuse ». Un jour, après que j'ai présidé à la cérémonie d'un mariage, la jeune Marie est venue à moi en s'exclamant « Oh, c'était la plus belle journée de ma vie !» Elle se trouvait dans un tel bonheur qu'elle voulait à tout prix le communiquer à d'autres. Son cas peut nous servir d'illustration pour définir le mot « bienheureux ». Le dictionnaire définit ce mot comme suit « qui jouit d'un grand bonheur, de la félicité ». On parle beaucoup de Marie, mère de Jésus, mais peut-être découvrirons-nous ensemble une Marie différente de l'image que vous vous en faites, une femme dans la vie de laquelle nous trouverons quelques secrets de bonheur. Si vous avez votre Bible sous la main, je vous invite à l'ouvrir au premier chapitre de l'Évangile selon Luc. C'est l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu à Marie et qui lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Plus tard, Marie elle-même dira dans son cantique « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » J'attire votre attention sur les paroles de l'ange qui a dit « Toi, à qui une grâce a été faite, et tu as trouvé grâce devant Dieu. » Marie appelle Dieu « mon Sauveur ». Celui qui a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. La bassesse de Marie, c'est elle qui le dit. Elle s'exprime ainsi parce qu'elle se trouve indigne de l'honneur qui lui est fait. Il n'y a de la part de Marie aucune prétention. Tout ce qu'elle ose répondre aux merveilleuses paroles de l'ange, c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette grâce que Marie expérimente nous est aussi indispensable pour découvrir le bonheur chrétien. Ne comptons pas sur nos mérites. Notre félicité éternelle dépend exclusivement de cette grâce, faveur imméritée de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme pécheur. Nous croyons et nous proclamons que c'est Jésus, né de la Vierge Marie, qui est venu nous faire connaître la grâce de Dieu, le Père. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Pour Marie, c'était une immense grâce de devenir l'instrument humain par lequel Dieu donnerait au monde le Sauveur. Mais c'est aussi une immense grâce que Dieu vienne à notre recherche en la personne de Jésus-Christ qui désire devenir le Dieu sauveur de nos vies. C'est de cette grâce dont vous avez besoin, qu'elle puisse vous toucher en ce moment. Voilà le premier secret que nous apprenons de Marie, mère de Jésus. Peu de temps après la visite de l'ange, Marie s'est rendue chez sa cousine. Quelle ne fut pas sa surprise de l'entendre lui dire « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Élisabeth reconnaît en sa cousine la mère du Seigneur avant même la naissance de Jésus, et elle ajoute ces paroles admirables. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Heureuse? Qui? Celle qui a cru. Marie craignait Dieu. Elle attendait le Messie annoncé par les prophètes. Mais qu'elle-même deviendrait l'instrument de sa venue? Ce mystère-là l'a dépassé tout à fait. Cependant, même sans comprendre, elle a cru. la foi de Marie est le deuxième secret qu'elle nous livre. La grâce est la base de tout, mais c'est la foi qui s'approprie ce don immérité. C'est par la foi qu'on le reçoit. Recevoir par la foi, c'est ce que Dieu veut pour nous. Cette femme bénie a doublement reçu le Sauveur, premièrement en se mettant à la disposition de Dieu, « qu'il me soit fait selon ta parole », puis en le reconnaissant comme son propre Sauveur. Il n'y a qu'un Sauveur, à savoir Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une femme. Avez-vous cru en lui ? Pouvez-vous chanter avec Marie « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur » ? Jésus est la parole faite chair. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À 12 ans, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Ses parents l'ont perdu, puis retrouvé après 3 jours de recherche, assis dans le temple, au milieu des théologiens. Marie ne peut se retenir de dire « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? « Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » À quoi l'enfant Jésus a donné cette réponse déconcertante. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Jésus montre à ses parents terrestres qu'il est le Fils du Dieu Très-Haut et qu'il est venu pour s'occuper en priorité des affaires de son père. Aussi Marie s'incline-t-elle devant ses paroles et nous lisons « Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » C'est le seul incident qui nous soit rapporté de la vie de Jésus entre sa naissance et le début de son ministère terrestre. La troisième leçon que je désire tirer de la vie de Marie se trouve au début du ministère du Seigneur Jésus. Il a été invité à un mariage avec ses disciples et sa mère est aussi de la fête. À un moment donné, elle veut intervenir auprès de son fils en lui faisant remarquer qu'il n'y a plus de vin. Quelle n'est pas notre surprise en entendant Jésus lui répondre d'une voix ferme « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Marie ne s'est pas offensée. Elle paraît comprendre que Jésus est avant tout Christ, le Messie, le Fils de Dieu. En toute simplicité, elle dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Quel enseignement de la bouche de Marie « Faites ce qu'il vous dira. » Leur problème sera résolu s'ils se conforment strictement aux instructions du Seigneur. Quel conseil précieux, valable pour nous aujourd'hui. À part ce conseil, nous n'avons aucun précepte. Aucun commandement venant de cette femme bénie, simplement faire ce que le Seigneur ordonne. N'est-ce pas un grand secret ? Tout le Nouveau Testament est l'ordonnance de Christ. Après avoir été l'objet de la grâce divine, après avoir cru, notre bonheur consiste donc à faire ce que le Seigneur nous ordonne dans sa parole. Chers auditeurs de notre programme, suivez le conseil de Marie, faites ce qu'il vous dit. Marie fut appelée heureuse, vous aussi vous pouvez l'être. Laissez-vous toucher par la grâce du Seigneur, croyez en lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je termine cette émission en vous parlant d'une autre Marie, que j'ai rencontrée pour la première fois à une fête d'anniversaire. Elle était toute jeune, et pourtant elle avait déjà bien connu les revers de la vie. Sa mère l'avait abandonnée avec 5 autres frères et sœurs. Elle se trouvait là, au milieu de nous, un groupe de jeunes chrétiens. La grâce de Dieu a commencé à opérer dans son cœur. Elle s'est laissée toucher par elle. Elle a cru, elle a reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Elle s'est jointe aux autres chrétiens, en manifestant zèle et fidélité. Dès lors, elle a cherché à faire ce que le Maître ordonne. Elle a cherché à gagner ses frères et sœurs, parmi lesquels la grâce a également agi. Quelques-uns ont cru. Puis ensemble, ils sont allés à la recherche de leur mère. Ils l'ont trouvée. Une nouvelle fois, la grâce de Dieu agit. Et cette mère, à son tour, a pu dire « Je suis la servante du Seigneur ». Cette Marie, dont le nom complet est Marie des Grâces, s'est non seulement laissée toucher par Dieu, mais elle est devenue l'instrument par lequel d'autres devaient connaître la grâce de Dieu. Depuis de nombreuses années, elle s'occupe d'un grand groupe d'enfants dans la banlieue de São Paulo. De même, Dieu peut faire de vous un instrument de sa grâce pour d'autres si vous mettez en pratique les secrets que nous venons d'exposer.